radio en direct, émissions à la demande, podcasts originaux, découvrez l'application Radio France. Toutes vos radios en une seule application. Bonjour à tous, vous aviez toujours voulu le savoir mais vous n'osiez pas le demander. Dans une heure pourtant vous saurez ce qui s'est joué à Alésia et quelle est l'histoire de ce site mythique. Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et vous le saurez grâce à Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Cyril Marchand, Jean-Christophe Francis et Jean Frédéric. Pour entrer dans l'histoire sous un jour favorable, il est toujours utile de l'écrire soi-même, cette histoire, et de préférence dans sa propre langue. C'est ce que n'ont pas su faire les Gaulois au sujet de la bataille d'Alésia, et ce qu'a fait en revanche très bien Jules César dans ses commentaires sur la guerre des Gaules. Et pourtant, dans l'imaginaire romantique qui s'est construit autour de ce haut fait, c'est comme si les Gaulois, et surtout Vercingétorix, s'étaient parés de toutes les vertus, comme si le valeureux guerrier avait gagné, si ce n'est la bataille, du moins les cœurs. Mais que s'est-il passé à Alésia et qu'en savons-nous exactement? C'est la question que nous allons nous poser au cours de l'émission d'aujourd'hui. Nous allons le faire avec vous, Jean-Louis Bruno. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes archéologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la civilisation gauloise, auteur de nombreux ouvrages comme par exemple « Les Gaulois, vérité et légende » paru aux éditions Perrin en 2018, ou alors celui que vous rééditez ces jours-ci en format poche aux éditions Echo intitulé « À la recherche d'Alésia » qui avait paru une première fois en 2019 chez Armand Collin. C'est vrai qu'il faut aller à la recherche d'Alésia. C'est une nécessité parce que l'histoire de cette bataille, elle est en partie confuse il faut retourner, voir un petit peu de quoi il s'agit. C'est ce qu'on va faire avec vous aujourd'hui. Pourquoi d'abord est-elle si confuse au fond, cette bataille d'Alésia, ce siège d'Alésia? Alors ça, c'est une histoire récente, mais sinon, cette histoire-là, il faut remonter à l'histoire de ce qui s'est passé à Alésia. Mais on n'a pas perdu Alésia de vue, notamment les habitants de la Bourgogne n'ont jamais oublié que c'était là le lieu de la bataille. Mais il y a eu des batailles justement pour savoir où était le lieu de la bataille. Ah non, mais ça, eux ne se sont pas demandé. Oui, parce qu'ils savaient que c'était chez eux, et puis c'était leur intérêt aussi. Oui, et puis ils voyaient sur les lieux savoir et de dire que c'était chez eux. Mais surtout, il ne faut pas oublier que entre l'époque gallo-romaine jusqu'au romantisme, en fait, jusqu'aux frères d'Augustin Thierry, Amédée Thierry, c'est le premier qui s'intéresse à Vercingétorix. Et qui s'adresse à Vercingétorix comme un héros guerrier à la hauteur de César. Mais pendant 18 siècles, ça n'a pas du tout intéressé les Français, surtout pas les nobles, surtout pas les rois, qui ont quand même utilisé la guerre des Gaules. Ils ont tout de suite essayé de relier des livres chez eux, etc. Parce que ce qui les intéressait, c'était César et c'était les Romains. Voilà pourquoi on a oublié un peu trop facilement ce personnage, cette bataille si célèbre. On a oublié et puis ensuite on a célébré Vercingétorix à tel point que parfois on a l'impression que Alésia, il y a d'ailleurs une très longue rue Alésia à Paris, finalement c'est presque une victoire alors que non, oui. C'est une défaite des Gaulois. Voilà, et puis il y a des belles statues, il y a celle de Clermont-Ferrand par exemple, sur une grande place. Je pense que les Gaulois et Vercingétorix finalement réussissent à pousser les Français à réécrire l'histoire qu'ils auraient dû écrire, parce qu'en fait ce n'est pas véritablement une défaite des Gaulois, pas du tout. C'est une victoire de César tout de même. Non plus. Parce qu'il faut savoir, je peux le résumer en quelques mots, en quelque sorte, donc en 52 avant Jésus-Christ, Vercingétorix pour la première fois a réussi à rassembler les trois quarts des peuples gaulois pour lutter contre César et ses légions, ce qui n'était jamais arrivé. Et il réussit à lui-même à créer une armée de 80 000 hommes, qu'il installe à Alésia, on pourra parler des lieux tout à l'heure si vous voulez, mais aussi il a fait constituer dans le même temps, en quelques semaines, un mois, pas plus, une armée absolument énorme, qu'on n'a jamais rencontrée depuis cette époque. Il faut attendre Napoléon pour trouver des armées comme ça, de 250 000 hommes qui viennent de partout. De bataillons qui viennent de toute la Gaule. De la pointe de la Bretagne. De la pointe de la Bretagne, mais aussi des bouches du Rhin, du sud de la France, etc. Et rassembler une telle armée, c'est extrêmement compliqué. Il a réussi à le faire. Donc ça, c'est déjà en soi. Et cette Vercingétorix se trouve encerclée dans Alésia avec ses 88 000 hommes par César et ses légions qui entourent cette ville dont on parlera du relief précisément. Et arrive cette armée absolument énorme de 250 000 hommes qui à ce moment-là encercle les Romains. Il est impossible de résister à ça. Donc les Romains n'auraient pas pu. Et en fait, quand on lit bien le texte de César, il faut vraiment le lire dans les détails et s'y pencher très sérieusement, on s'aperçoit qu'en réalité, de cette armée énorme, qui s'appelle souvent, les historiens l'appellent l'armée de secours, il n'y a qu'une toute petite partie qui va combattre. Et ils restent sur le terrain, puis ils regardent ce qui se passe. Et surtout au bout de trois jours de combat, parce qu'ils viennent de très très loin. Ils sont fatigués quand ils arrivent à Alésia, et ensuite ils n'ont pas de quoi survivre. Oui, il y en a même un certain nombre qui vont retourner chez eux très vite, avant que très la vite, bataille ne soit terminée. Voilà. Mais comment expliquer ce défaitisme ? Ça s'explique tout simplement par la position des Éduains. Parce que les Éduains, donc c'est un peuple. L'un des peuples qui. C'est le peuple, un des fédération. Peuples les plus célèbres qui occupait le Morvan actuel et qui, depuis au moins le deuxième siècle avant Jésus-Christ, était très lié avec les Romains. Donc ils étaient considérés comme des cousins, même comme des fils de Énée, le héros Énée. Donc c'était vraiment des liens très, très, très importants entre eux. Et c'est les Éduains et leur chef le mieux connu, Divicaque, qui a aidé les premières années César à venir conquérir la Gaule. Et si les Éduains n'avaient pas été là, ils n'auraient pas pu le faire. Donc il y a une histoire de trahison, on reviendra un petit peu sur la chronologie. Absolument, qui est très intéressante de cette bataille d'Alésia. Mais quand même, Jean-Louis Bruno, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est César qui a gagné à partir du moment où il y a une reddition de Vercingétorix et après tout, s'il y a des problèmes entre les armées gauloises, eh bien c'est un peu l'affaire des Gaulois, c'est pas l'histoire de César. Effectivement, ça vous avez parfaitement raison. Donc, mais c'est une victoire qui n'est pas une victoire militaire en réalité, c'est ça que je veux dire. Hein. Mais sinon, Vercingétorix, ses armées qu'il a fait lever un petit peu tout autour de lui, étaient arrivées au bout de leur force et ne pouvaient plus recommencer. Mais ça a encore tenu pendant un an et il y a eu encore des batailles absolument terribles, notamment dans l'Oise actuelle, où il y a eu un siège très important, où là, César s'est retrouvé bloqué au moins pendant trois mois. Et il a été à deux pas de disparaître. Mais est-ce que c'est pour cette raison, Jean-Louis Bruno, que Vercingétorix est devenu une sorte de héros ? Parce qu'il n'aurait au fond pas réellement perdu cette bataille d'Alésia ? Ou est-ce que c'est pour d'autres types de raisons, nationalistes par exemple ? En tout cas, non, c'est pas que les historiens, donc à partir du romantisme, s'intéressent à la vision de Vercingétorix, parce qu'ils la trouvent belle, parce qu'ils le trouvent jeune, fougueux, etc. Mais ils ne voient pas quelqu'un qui a gagné. Non, c'est pas, ils ne voient pas en lui un vainqueur. Hein, non. Mais il représente quelque chose. Alors, il représente quelque chose parce que on a une petite description dans le texte de César, mais qui en dit long. Il nous dit que c'est un adolescens, c'est-à-dire un jeune homme qui a entre 20 et 30 ans maximum, et qui en plus est le fils d'un roi très célèbre qui s'appelait Celtil, qui était le roi qui était le chef, le principal des Arvernes, donc le peuple proche des Éduains qui occupait l'Auvergne, enfin le massif central. Et ce Celtil avait réussi à obtenir la primauté dans toute la Gaule. Il était devenu le chef de toute la Gaule. Et curieusement, ce sont ses cohabitants, donc les Arvernes, qui eux-mêmes ont trouvé qu'il faisait, craindre à ses concitoyens qu'ils prennent le pouvoir chez les Arvernes. et ils l'ont mis en procès et ils l'ont mis à mort. Mmh. Ce que je voulais dire, c'est que la bataille d'Alésia, telle que on l'a ensuite un peu retraduite et notamment telle que les romantiques l'ont interprétée, donne le sentiment que c'était une bataille entre les Gaulois et Vercingétorix à leur tête, représentant une espèce de fougue, quelque chose au fond de très émotionnel, avec en face une armée très froide, l'armée très organisée de la civilisation romaine. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Jean-Louis Bruno, que au fond c'est presque comme une espèce de guerre de civilisation, pas qui s'est jouée, parce qu'évidemment ce serait ridicule de le dire, mais qu'on aurait interprété ensuite un peu cette bataille d'Alésia comme une guerre de civilisation? Très difficilement et très tardivement, parce que malgré l'intérêt qu'apportait aux Gaulois et à Vercingétorix Amédée Thierry, le frère d'Augustin, ça n'a pas pris du tout chez les Français. Et il faut attendre Napoléon III, qui fait des fouilles sur tous les sites de bataille de César, non seulement en France, mais aussi sur les bords de la Méditerranée. Donc c'est un énorme projet. Et les fouilles qui sont menées par son équipe à Alésia fournissent des découvertes tout à fait intéressantes. Mais Napoléon III fait ça par amour de Napoléon et non de Vercingétorix. Mais c'est à force de fréquenter la matérialité de ces Gaulois et de Vercingétorix qu'il commence à s'intéresser à Vercingétorix. Et à la fin des fouilles, on fera de Vercingétorix une statue gigantesque qui en plus est à l'image de Napoléon III. Alors on va reparler un peu de tout ça parce qu'on a déjà commencé à balayer assez large. Revenons aussi pour commencer avec vous, Jean-Louis Bruno, sur le site lui-même d'Alésia, un site qui remonte à bien avant la bataille et le siège d'Alésia. Hercule donna le royaume des Ibères au plus vertueux des indigènes. Quant à lui, il se mit à la tête de son armée et pénétra dans la Celtique. Parcourant toute cette contrée, il abolit des coutumes sauvages et entre autres celle de tuer des étrangers. Comme son armée se composait de volontaires accourus de toutes les nations, il fonda une ville qu'il appela Alésia, nom tiré des longues courses de ses troupes. Un grand nombre d'indigènes vinrent s'y établir, et comme ils étaient plus nombreux que les autres habitants, il arriva que toute la population adopta les mœurs des barbares. Cette ville est jusqu'à nos jours, en honneur parmi les Celtes, qui la regardent comme le foyer et la métropole de toute la Celtique. Elle est demeurée libre et imprenable depuis Hercule jusqu'à nos jours. Mais enfin, Gaius César, divinisé pour la grandeur de ses exploits, la prit d'assaut et la soumit, avec le reste de la Celtique, à la puissance des Romains. Sans oser le demander, sur France Culture, et cet extrait de la première évocation de la fondation d'Alésia par Hercule, raconté par Diodore de Sicile et lu par Cyril Marchand. Alors Alésia, c'est un nom qu'on entend déjà dans les légendes grecques. Oui, les légendes grecques touchent très très tôt la Gaule, puisque on a aussi déjà chez Hérodote ou même chez des auteurs plus anciens comme Hécatée des premières légendes qui concernent le sud de la France. Et puis la légende la plus connue et qui ressemble étrangement d'ailleurs à celle d'Alésia, c'est celle de Massalia, c'est-à-dire Marseille. Donc on explique la fondation de Marseille de la même manière, c'est pas le texte que vous avez choisi, c'est un texte un peu plus loin de Diodore de Sicile qui nous raconte la même chose, c'est-à-dire un mariage. Donc c'est un mariage qui donne en quelque sorte la jonction entre les Grecs qui sont des commerçants de toute façon, qui sont venus en Gaule pour faire du commerce, et des Gaulois qui sont prêts à les accueillir et prêts à travailler avec eux. Donc on a à Marseille, c'est un roi qui a une fille à marier, qu'il fait marier avec le chef des Phocéens qui viennent d'arriver sur les rives de Marseille. Donc c'est pour expliquer, ça explique de façon légendaire, mais il y a quand même une part d'histoire dans tout ça. Quelle part d'histoire? La part d'histoire, c'est qu'effectivement, les Phocéens, donc des Grecs qui venaient de Turquie en quelque sorte, ont pu s'installer sur les rives de la Côte d'Azur que parce que les Gaulois les ont laissés faire. Ils ont été d'accord. Et surtout, ils leur ont accordé un terrain où construire Marseille. Mmh. Et donc ça, effectivement, c'est un traité, etc. Et souvent, ça prend la forme d'un grand banquet et souvent même d'une alliance matrimoniale. Et donc, c'est la même chose qui est expliquée pour l'ancienneté d'Alésia. Alors, quand vous parlez des Gaulois, Jean-Luc Bruneau, il faut expliquer un petit peu ce que c'est. En fait, les Gaulois, c'est une masse de différents peuples qui sont réunis dans une sorte de confédération. Comment ça fonctionne tout ça? Oui, alors c'est quelque chose qui commence à fonctionner en même temps que les Grecs arrivent, et probablement les Grecs y sont pour une grande part responsables. C'est-à-dire qu'en même temps que les Grecs arrivent, se diffusent un peu dans toute la Gaule, ils le font en même temps qu'une particularité de gens très, très exceptionnelle se développe, ce sont les druides. Et donc les druides, ce ne sont pas non pas des sorciers comme on l'a dit souvent et qu'on l'a cru souvent, ce sont des intellectuels en quelque sorte, mais plutôt des philosophes qui n'ont rien du tout d'extraordinaire, parce que c'est quelque chose qui existe aussi chez les Grecs, qui existe chez les... on a les chamans par exemple, Donc ils ont quand même des potions magiques. Non, ce sont des philosophes. Et donc ils ne sont même pas médecins. Ah si, ils sont médecins, c'est-à-dire que au départ ils développent une philosophie, mais ensuite ils s'intéressent à toutes les formes de sciences, et la pharmacopée, des choses comme ça, vont prendre vraiment une place très importante. D'accord, donc ça c'est les druides. C'est les druides. Mais les Gaulois, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est composé de plusieurs peuples. Alors en réalité, ce sont des peuples qui se sont formés très certainement au premier âge du fer, c'est-à-dire des années 900, 800 avant Jésus-Christ, par là, qui se sont cette fois-ci appropriés des territoires pour toujours, et qui ont commencé à vivre dans ces communautés très importantes, puisque les peuples gaulois, que César appelle des cités, hein. Et cité, c'est au sens grec, c'est-à-dire c'est une communauté humaine et territoriale, correspond chaque fois à un, voire deux, voire trois de nos départements. Donc, et ça se construit très très tôt. Donc c'est pourquoi César aura à travailler avec cette grande masse de gens qui ne sont pas totalement isolés des uns des autres, d'autant plus que les druides, très tôt eux-mêmes, existants pratiquement sur toute la Gaule, voudront avoir une assemblée générale pour eux, qui ensuite sera recopiée en quelque sorte par les chefs de ces cités gauloises. Les druides les auront certainement aidés à fonctionner de cette manière. Donc César parle de trois parties de la Gaule, les Belges, les Aquitains et les Celtes. Oui. Alors, c'est quelque chose que, quand il l'écrit, c'est sa première phrase. La première phrase du Bellum Gallicum, c'est ça. Et c'est le seul moment dans toute sa littérature, qu'on connaît très très bien, où il parle de Celtes. Et Celtes, c'est un nom qui vient du fait historique qui est l'arrivée des Phocéens dans le sud de la France, qui doivent... ils viennent là, pas pour rien, ils viennent pour chercher de l'étain surtout. Parce qu'en Grèce, il n'y a plus d'étain. Or, l'étain, c'est un minerai qui est absolument indispensable pour la fabrication de bronze. Et là, ils sont en concurrence avec les Carthaginois qui volent tout ce qui se trouve en Espagne. Il y en a beaucoup en Espagne, et donc c'est pas pour les Grecs. Donc, ils en trouvent en France, et ils iront jusqu'en Angleterre ensuite. Ces Grecs vont, c'est pas des voyageurs qui ne craignent pas le danger et tout. Pour naviguer, il n'y a pas de problème. Mais pour circuler dans les terres et pour parler avec les gens, les Grecs ne parlent pas les langues étrangères. C'est pour ça qu'ils disent, tous ceux qui ne parlent pas le gaulois ou même l'italien, etc. et tout, qui ne parlent pas eux-mêmes non plus, ce sont des barbares, donc autrement dit, des gens qui parlent par borborygme. Oui, et pourtant, voilà. Ce sont loin d'être des barbares, les Gaulois. Bien sûr que non. Alors évidemment, ils n'écrivent pas beaucoup dans leur propre langue, mais ça c'est culturel, j'imagine. Ah non, c'est philosophique. C'est philosophique, c'est la volonté des druides. Et tout à l'heure, quand je vous disais que les druides ne sont pas seuls sur les bords de la Méditerranée à fonctionner de cette manière, à faire de la philosophie et bientôt de la politique, il y a, parmi les philosophes grecs, il y a notamment Pythagore et les pythagoriciens, et qui ont un mode de vie qui est assez bien connu et qui ressemble étrangement à celui des druides. Donc on a l'Italie, enfin la Rome, l'Empire romain, et puis on a ces peuples de Gaule qui vont s'affronter. Sauf que ça commence d'abord par une invasion, trois siècles plus tôt, troisième siècle avant notre ère, une invasion, disons des Gaulois pour simplifier, sur la Rome antique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont finalement les forces géopolitiques en présence? Qu'est-ce qui se passe entre ces deux entités? Oui, alors ce qui me gêne un peu, c'est quand on emploie le terme « invasion », parce que ce ne sont pas vraiment des invasions. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux Romains et aux Grecs, les Gaulois en général sont des gens extrêmement nombreux, et donc ils sont trop nombreux pour leur territoire. Et donc très tôt, très probablement dès le 5e siècle, ils ont besoin de s'étendre, et ils quittent la Gaule, non pas pour envahir comme des barbares en quelque sorte, mais pour créer des colonies, et ils vont tout de suite dans le nord de l'Italie. Et tant que ça demande en Gaule, on peut pas rester en Gaule. Par rapport aux terres qui sont disponibles, qui sont rentables pour nourrir la population, oui, il faut qu'ils se déplacent. Donc c'est comme ça que ça a fonctionné. Alors ensuite, pourquoi ces Gaulois qui sont installés dans le nord d'Italie, on les appelle les Cisalpins, hein, tout simplement. Pourquoi vont-ils descendre sur Rome? Ça, on ne le sait pas trop. Probablement ont-ils été manipulés par les Étrusques. Il y avait encore des Étrusques qui étaient distincts des Romains, qui les ont un petit peu entraînés dans cette direction. Donc ça crée une sorte de précédent qui reste dans l'esprit des dirigeants de Rome, et Jules César, en moins 50 à peu près, garde cette idée qu'il y a une vengeance à prendre à l'encontre des peuples gaulois qui, quand même, étaient arrivés jusqu'aux portes de Rome. Oui, mais je pense qu'il en sait beaucoup plus que ça, parce que César était un grand intellectuel et tout ça. Et entre la prise de Rome au début du 4e siècle, à Rome, et puis l'arrivée de César, il s'est passé beaucoup de choses, et les Gaulois ont encore fait de nouvelles tentations de colonies, notamment dans le sud de l'Allemagne, en Bavière, et ensuite jusqu'en Grèce, puisqu'en 278, ils vont jusqu'à Delphes, parce qu'ils veulent trouver de nouvelles terres, et finalement, ils vont franchir une partie de la Méditerranée, se retrouver en Turquie et s'installer définitivement près de Ankara, de la région qui maintenant s'appelle la Galatie. C'est le nom des Galates, parce qu'un des noms des Gaulois, c'est Galatas. Voilà. Mais quels sont les liens, au fond, entre l'aristocratie romaine et puis l'aristocratie des divers peuples gaulois? Il n'y en a pas beaucoup, sauf entre les Éduins et les Arvernes aussi, parce que les Arvernes ont été très très liés aussi avec les Romains très très tôt. Et quelques nobles romains, des gens de la famille de César par exemple, mais il n'y a pas eu beaucoup de liens. Il n'y a pas d'otages par exemple? Les otages, il y en aura quand César arrive en Gaule. Là il y a le système des otages que je peux vous expliquer si vous le souhaitez. Donc dès qu'il... parce que ce qui se passe, hein, il faut quand même rappeler les choses. Bon, la première action militaire de César, c'est de venir repousser les Helvètes qui avaient quitté le plateau suisse parce qu'ils voulaient s'installer en Gironde. Parce que les habitants de la Gironde, qu'on appelle les Santons, les avaient appelés parce qu'ils étaient trop peu nombreux. Et puis surtout, c'était une combine pour pouvoir ensuite attaquer la province romaine à partir de l'ouest. Bon. César fait cette première action, il arrive à les rattraper, il les arrête justement au Mont-Beuvray, et ensuite il les renvoie au plateau suisse. Mais dans le même temps, Divicia a travaillé pour César, c'est lui qui a fait tout le boulot. Il a convaincu, en secret ou peut-être pas toujours en secret, toutes les nations gauloises qu'il fallait absolument venir rencontrer César pour lui demander son aide, parce qu'il y avait une menace qui était beaucoup plus importante contre les Gaulois que les Romains, c'était les Germains. Il y a toute une partie de l'Est de la France, donc la Franche-Comté, une partie de la Bourgogne, déjà une partie du Morvan, était aux prises des Germains qui avaient envahi cette partie-là, parce qu'on avait fait appel à leurs services, justement pour des questions de commerciales. Donc les Séquanes et les Éduins se bagarraient pour se disputer la Saône, et ils ont eu la merveilleuse idée d'aller chercher des Germains qui les ont aidés, mais qui du coup sont restés sur place. On va parler de la bataille d'Alésia, ou plutôt y revenir. Je vous propose d'abord d'écouter un extrait de la guerre des Gaules. La ville, proprement dite, était au sommet d'une colline, à une grande altitude, en sorte qu'on voyait bien qu'il était impossible de la prendre autrement que par un siège en règle. Le pied de la colline était de deux côtés baigné par des cours d'eau. En avant de la ville, une plaine s'étendait sur une longueur d'environ 3 000. De tous les autres côtés, la colline était entourée à peu de distance de hauteurs dont l'altitude égalait la sienne. Au pied du rempart, tout le flanc oriental de la colline était occupé par les troupes gauloises, et en avant, elles avaient creusé un fossé et construit un mur grossier de 6 pieds. Les travaux qu'entreprenaient les Romains se développaient sur une longueur de 10 000. Les camps avaient été placés aux endroits convenables, et on avait construit, également en bonne place, 23 postes fortifiés. Dans ces postes, on détachait pendant le jour des corps de garde pour empêcher qu'une attaque soudaine se produisît sur quelques points. Pendant la nuit, il y avait dans ces mêmes postes des veilleurs et de fortes garnisons les occupaient. Lecture par Maxence Melfort, un extrait des commentaires sur la guerre des Gaules de Jules César. C'est la source essentielle, hein, c'est presque seule source qu'on ait sur ce moment de l'histoire. Surtout que celle-ci est très bonne, puisque vraiment on est dans les détails, c'est très bien écrit, donc on ne peut pas trouver mieux. En fait, évidemment, c'est le vainqueur qui parle. Donc. Oui, mais ça correspond à la réalité, puisque là, les fouilles qui ont été faites depuis plusieurs siècles, et puis encore ces dernières décennies, donnent raison, ou même corrigent un petit peu certains nombres, par exemple le nombre de fortins que César dit avoir fait construire. En fait, il y en a un qui n'avait pas été construit. Donc c'est ça, ces archéologues qui ont corrigé. Donc comment ça se noue, au fond, cette bataille d'Alésia? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce point de fixation? C'est-à-dire qu'en réalité, César connaissait une mauvaise passe à ce moment-là, et il était poursuivi par les armées de Vercingétorix, et il était retranché du côté du plateau de Langres, chez les Lingots, qui ont toujours été des grands amis des Romains, et donc ils pouvaient plus avancer comme ils voulaient dans la Gaule. Et il ne savait pas comment se débrouiller. Il a laissé passer une fausse nouvelle selon laquelle il allait redescendre dans le sud de la France et ensuite gagner l'Italie. Ça, c'est très malin de sa part. C'était très, très malin de sa part. Voilà, c'était une ruse absolument et terrible. Ça marche très, très bien. Donc, ça arrive aux oreilles de Vercingétorix, voilà. Qui du coup change sa stratégie. Sa stratégie, c'était, puisque César et ses troupes se trouvaient sur le plateau de Langres, où il avait là toutes les forces qui venaient justement des Germains et tout, parce que lui commençait à travailler aussi avec les Germains. César était venu au plus près du plateau de Langres, une forteresse suffisamment importante, c'est Alésia. Et donc, il s'est dit, si je me mets là, de toute façon, à un moment ou un autre, les Romains vont venir essayer de me déloger de là, et on les battra complètement. Et pourquoi est-ce que... Eh bien, parce que César a fait croire qu'il partait en ignorant Alésia. Et en fait, les armées romaines ont commencé à descendre vers le sud. Ils sont passés à 30 ou 40 kilomètres plus à l'est. Et là, César se dit, si je les laisse partir, on se retrouve feinté, en quelque sorte. Vercingétorix se dit ça. Oui, Vercingétorix se dit ça. Et donc, il dit, il faut qu'on les arrête. Ouais. Et on va essayer de les couper dans leur marche, dans une forêt où on pourra en massacrer une grande partie. Mm-hmm. Mais César avait parfaitement su que ça allait se passer comme ça. Et donc, ce premier assaut entre les Gaulois et les Romains marche très mal pour les Gaulois. Alors pourquoi ce site-là en particulier? Est-ce que géographiquement, le site d'Alésia présente des caractéristiques qui ont donné l'idée à Vercingétorix de faire en sorte que ce soit ici que se déroule la grande bataille? Ah oui, tout à fait. Alors, pas seulement topographique, mais aussi géographique. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous avez fait allusion à ça, quand vous parliez des Grecs, d'Héraclès, etc. On se trouve sur un axe routier très important qui permet de quitter le grand axe Rhône-Saône-Rhin et un autre chemin qui suivait la Seine et allait jusqu'à la Manche. Et donc, le passage, c'est par cette petite région d'Alésia. Mmh. Donc ça, c'est déjà en soi très important. Et le lieu, pour ceux qui sont passés à proximité ou qui s'y rendront, ou ceux qui passent en train, parce qu'il y a un train à Vénarélome qui passe juste à côté, montre que c'est un site remarquable. puisqu'on a la confluence de trois rivières, la Brenne, l'Auze, l'Auzerin, et qui entoure en plus un plateau qui est magnifique, hein, parce qu'au départ on croirait que c'est une colline, mais quand on monte sur le site, on s'aperçoit que c'est un plateau parfaitement plein, plat, qui fait une centaine d'hectares, donc on a de quoi faire une très belle ville. Cette fois, on est du côté des Gaulois. On essaie de voir, de retrouver des fortifications qui ont pu être visibles à l'époque de César, mais des fortifications gauloises. Et on est aidé un peu par le texte de César qui nous dit que Vercingétorix, justement, avait établi son camp à l'est du mont Auxois, devant la muraille de la ville, donc à l'extérieur, et qu'il avait protégé ce camp par un mur grossier qu'il appelle la Masseria, enfin c'est César qui l'a décrit comme ça, avec un fossé. Donc c'est la raison pour laquelle on a choisi de travailler ici, et ce d'autant plus que début XXe siècle, on a fait un certain nombre de fouilles ici, qui ont mis au jour deux segments de remparts très proches l'un de l'autre, qui pourraient être un aménagement de porte correspondant à ce fameux mur de Vercingétorix. Et ici, nous sommes à un endroit particulièrement facile d'accès. Nous sommes arrivés en voiture relativement aisément. Et c'est un peu aussi ce qui nous détermine à penser qu'on pouvait être dans un des axes d'arrivée, d'entrée dans l'oppidum par ce versant, enfin ce côté oriental. Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et à l'instant, une archéologue, Anne Collin, qui parlait de ses recherches sur le site d'Alésia dans une émission de 1996 de France Culture intitulée « Mémoire des lieux ». Vous dites, Jean-Louis Bruno, qu'on ne saurait mieux décrire ce paysage que ne le fait Camille Julian dans son « Histoire de la Gaule » parue entre 1907 et 1926, où l'historien, donc Camille Julian, décrit ce paysage en disant « On dirait un cirque construit pour le plaisir des géants, les collines de l'horizon présente les gradins, la plaine de l'Aume forme l'arène, Alésia, droite au milieu, fait songer à quelque hôtel colossal. » C'est parfaitement vrai, et c'est dommage que le pauvre Camille Julian n'a pu faire de la photographie aérienne ou se balader en avion au-dessus de ce site, enfin dans cette région. Là, il aurait vu des choses qui sont beaucoup plus exceptionnelles encore. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que ce plateau a une forme très particulière. Elle est naviforme, donc la forme d'un navire. Et on a l'impression qu'elle s'est séparée d'une escouade qui se trouve derrière, parce qu'on a tout un tas de collines qui sont vers l'est, et qu'elle s'est arrêtée à la confluence de ces trois rivières. Et vraiment, on voit que ça pousse l'homme à venir s'installer là et en faire quelque chose. L'archéologie aérienne, c'est ce qui permet en fait de voir en fonction de la végétation ce qu'il y a sous la terre. Oui. Et bien souvent, si ce n'est à chaque fois, on arrive à lire en fonction de la hauteur, bien sûr, par exemple, des blés, oui, oui. S'il y a eu des murs qui ont été construits en sous-sol, par exemple. Voilà, ou même des fossés. Hein. Les fossés associent des traces dans le mûrissement des céréales. Et ce qui est intéressant, c'est que la photographie aérienne a été pratiquée pratiquement pendant presque 70 ans. Ça a commencé dans les années 1950. Et ça a confirmé sans arrêt les travaux, les relevés qu'avaient fait les archéologues de Napoléon III. Et ça a apporté des éléments extraordinaires. Et puis, il y a eu ensuite les fouilles qui ont été menées entre 1991 et 1997 par une grande double équipe franco-allemande qui, à nouveau, ont fait des découvertes importantes. Donc, revenons à notre histoire d'Alésia, de la bataille. Nous avons donc César qui arrive sur le lieu de la bataille, qui encercle, du coup, l'oppidum, oui. Où se sont installés Vercingétorix et ses troupes. Vercingétorix appelle l'armée dite de secours, donc c'est ces 200 000 hommes qui doivent quand même mettre un bon mois pour arriver, oui, parce oui. Et c'est déjà très rapide, parce que pour arriver des quatre coins de la France, vous en avez parlé tout à l'heure, Jean-Louis Bruno, et entre-temps, Jules César va construire une espèce de muraille. Et ça, c'est très très impressionnant, la rapidité avec laquelle cette muraille est construite. Est-ce que vous pouvez nous la décrire déjà un petit peu pour commencer ? Oui, alors c'est un type de muraille que l'on connaît parce qu'il a été trouvé d'autres ailleurs, fouillé d'autres ailleurs, et pratiqué par des généraux romains avant César, notamment en Espagne. Et donc là, il s'agit d'une double muraille. Donc il y a une muraille qui est au plus près de l'oppidum, donc qui en fait s'adresse aux Gaulois de Vercingétorix. Et il en a fait une deuxième, qui fait comme une sorte de boulevard. Et cette deuxième muraille, qui est du côté extérieur, elle s'adresse à l'armée de secours qui va venir. D'accord. Donc ils sont au milieu. Eux sont au milieu, mais ils ont des camps, ils ont des forteresses, des fortins, comme il indiquait. Et ça indique aussi que César est parfaitement au courant de tout ce qui se passe en France, enfin en Gaule à cette époque-là. Et il sait que ses armées sont en train de se rassembler et vont venir. Mais il n'y a pas d'escarmouche à ce moment-là? Vercingétorix n'essaie pas d'empêcher la construction de cette muraille? Bien sûr que si, bien sûr que si. Dès le début, ils font des escouades, etc. Et puis, quand ils voient que ça n'arrêtera pas la construction des Romains, parce que les Romains, on n'arrête pas quand ils construisent, il faut les laisser faire. Et c'est là qu'il fait sortir 500 de ses cavaliers et de leurs chevaux pour aller activer le recrutement qui a commencé en Gaule. Et sortir les femmes et les enfants également. Ça, c'est plus tard. C'est plus tard. C'est un moment où la situation est terrible. C'est des situations qu'on connaît actuellement, où il y a une famine chez les insurgés. Et donc, il faut demander aux familles de sortir en espérant que les Romains les laisseront passer. Et là, les Romains ne les laissent pas passer. Ce qui fait que pendant plusieurs jours, ces femmes, ces enfants, ces vieillards vont errer entre ces deux lignes. C'est une espèce de no man's land, en fait. Oui. Et puis, ils étaient affamés, et puis ils se prenaient les projectiles qui volaient, quoi. C'est tout à fait l'esprit des tranchées de la Première Guerre mondiale. Oui, tout à fait ça. Oui, tout à fait ça. Combien y a-t-il de Romains? Parce qu'on a dit qu'il y avait environ 80 000 hommes autour de Vercingétorix. Les Romains arrivent tout de même à construire des kilomètres de double muraille en très peu de temps. Comment est-ce que c'est possible tout ça? Si, c'est possible, parce que les Romains sont habitués à ça. Ils sont habitués dans leurs déplacements à porter des colis très importants sur leur dos. Et tout arrive de Rome. Ah non, ils coupent tous les bois qu'ils trouvent autour, mais ils ont tous les outils. Et parce qu'il y a aussi des pics en fer qu'on a retrouvés dans les fouilles et qui, un petit peu aussi, là encore, à la manière des tranchées de 14, mm-hmm. Empêchent les Gaulois de traverser. Oui, c'est ce qu'on appelle les stimuli. Oui. Les objets en fer, ils sont fabriqués sur place. Parce que dans l'équipe des légionnaires, il y a des forgerons, hein, tout simplement. Hein. Oui. Non, je pense que ça, pour eux, c'est pas si extraordinaire. Ils étaient capables de le faire, hein, ça, c'est sûr. Et donc, on a une idée du nombre. Alors, le nombre, oui, c'était ce qui me tracassait un petit peu, parce qu'on n'a pas les chiffres précis, parce que César ne parle que des légionnaires. Donc, d'après ce qu'on comprend, ça tournerait au maximum autour de 80, 100 000. Mais en réalité, il en avait beaucoup plus, parce qu'il avait des auxiliaires qui, eux, n'étaient jamais numérisés. Donc avec des traîtres aussi, qui sont des peuples gaulois qui ont finalement intérêt à pactiser avec l'ennemi. Ah, les Éduins notamment, effectivement. Et qui seront récompensés par la suite. Ah oui, quelques mois plus tard, deux mois plus tard, César récompense les Éduins et récompense tous les prisonniers, il les rend. Donc c'est une question éminemment politique cette défaite de Vercingétorix, avec donc ces 200 000 hommes de l'armée de secours qui viennent mais qui finalement ne combattent pas, avec ces trahisons aussi des Éluins. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous pour que ces peuples-là, qui étaient censés quand même agir de concert et former une confédération, finalement ne s'entendent pas? Parce que la situation est trop tardive par rapport aux événements qu'ils connaissent. Donc, si les choses s'étaient passées quelques années plus tôt, ils auraient été capables de faire ça. Et donc, les Gaulois qui n'ont pas combattu, ce sont essentiellement les Éduins. Mmh. Donc là, les Éduins ont été en quelque sorte manipulés par leur propre chef. Et puis les autres, on ne sait pas qui étaient ces guerriers recrutés dans les autres cités. Souvent, beaucoup de cités assez lointaines, même chez les Bellovaques qui, l'année d'après, vont combattre contre César, n'ont envoyé que très peu de leurs soldats. alors qu'ils avaient une armée de 60 000 hommes. Ils en ont envoyé que 10 ou 15 000. Mm-hmm. Et on n'est même pas sûr que c'était les bons, avec les bonnes armes. Et alors la reddition, Jean-Louis Bruno, on a dit que Vercingétorix s'était en quelque sorte sacrifié pour éviter davantage de pertes humaines dans son camp, c'est vrai? Ah oui, ça c'est vrai, parce qu'il avait la possibilité de s'enfuir. Alors j'ai pas en tête d'un des auteurs historiens romains qui l'évoque. Non, c'est un grec, c'est Dion Cassius qui en parle. C'est Dion Cassius qui indique qu'il aurait pu fuir, effectivement, par le nord, par les versants du Mont Xoïs. Il aurait pu réussir, surtout quelqu'un d'aussi vaillant et d'aussi finaud pour partir. Donc il l'a pas fait parce que lui, sa carrière était finie. Lui, il avait une carrière politique. C'est aussi une carrière familiale, puisqu'il y a eu son père qui avait eu un tel destin. Et puis il pensait surtout que César allait lui pardonner, parce qu'il ne faut pas non plus oublier la période de la guerre des Gaules qu'ils ont vécu ensemble, mm-hmm. puisqu'il faut qu'on parle maintenant des otages. Lorsqu'en 58, César accepte de mener la guerre contre les Germains, il demande à tous les peuples gaulois de devenir ses otages en général. C'est-à-dire qu'ils doivent fournir des guerriers, ils doivent fournir des chevaux, des armes, de la nourriture pour les hommes et pour les animaux. Et surtout, tous les députés des différentes cités gauloises, donc en général c'est beaucoup, c'est 600 sénateurs par cité en général, que chaque sénateur lui confie son premier aîné. Mmh. Qui devient un otage. Mais qui a vocation à être élevé à la romaine et à devenir un cadre, au fond. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. La future Gaule sous domination romaine. Voilà. Et là, on est dans un mode de fonctionnement qui est celui un peu du Moyen-Âge. Lorsqu'on a des otages princiers français qui sont retenus par le roi d'Angleterre ou vice-versa, ces gens-là vont vivre dans de très bonnes conditions. Ça sera le cas de Vercingétorix. Donc Vercingétorix a été élevé à la pendant romaine. Pendant 3 ans, il sera dans le camp romain au plus près de César. Au plus près et de à ce moment-là, il n'a pas... n'est pas devenu proche de la culture romaine. Ah si, bien sûr que si. Mais pourtant, il va devenir le principal ennemi de Rome. Oui, mais ça, c'est parce que effectivement, politiquement, ça va pas réussir, notamment avec ses concitoyens arvernes. Mais Vercingétorix s'est très bien comporté avec César. Donc, il pense qu'il va être finalement pardonné par César. C'est pas exactement ce qui se passe. Voilà, parce que oui, ils sont restés si longtemps ensemble et si proches, ils étaient très proches. Et César écrit qu'ils étaient amis, de toute façon. Au sens le plus fort du latin, hein. c'est pas des amis de seconde zone. Non, c'est vraiment une amitié très forte. Donc il pense que César renoncera à le mettre à mort. Et finalement, ça ne se passe pas comme ça. Pas tout de suite, cela dit. Il faut attendre 6 ans. Il faut attendre le triomphe de César après différentes guerres, parce qu'il aura quitté la Gaule, il aura passé une partie de son temps en Asie et en Égypte. Et c'est à la fin de tout ça que dans les 3 grands triomphes qu'il construise à Rome, César sera parmi les plus grands personnages. Les plus grandes pièces rapportées en quelque sorte, mais il sera mis à mort de façon plus douce que les autres. C'est-à-dire qu'en fait, il ne sera pas étranglé ni quoi que ce soit. Enfin, si, il sera étranglé, mais il sera en prison, dans une prison qui existe encore à Rome, d'ailleurs. Et les prisonniers l'étrangleront pour éviter qu'il ne meure au bout de souffrances, de faim, etc. Donc, c'était la meilleure mort qu'il puisse obtenir. Un traitement de faveur. Voilà. Monsieur Collot, qu'est-ce que ça représente Alésia pour vous? C'est la bataille de Vercingétorix. Mais non, on l'a appris à l'école. Bon, après, on a entendu parler par nos anciens de la bataille d'Alésia. Qu'est-ce qu'ils vous disaient de la bataille d'Alésia, les anciens? Que c'était une victoire dans notre région et qu'Alésia était bien ici, contrairement à ce que beaucoup pensent. Et vous saviez qu'à cet endroit-là, il y avait des vestiges? Ah oui, je le savais. Je le savais d'autant plus que... Quand mon grand-père a acheté la ferme en 1930, il a repris un homme qui était sur la ferme, un employé qui était sur la ferme, qui lui avait trouvé des objets relatant de la bataille d'Alésia. Et qu'est-ce que c'était comme objet? Bon, je sais qu'il avait retrouvé un sabre et il avait retrouvé une cafetière, qui sont exposées au musée à Lycée Intrême. témoignage d'un agriculteur dans l'émission Lieu de mémoire par Geneviève Ladouès sur France Culture. Le 15 février 80, c'est pas sûr qu'il y ait beaucoup de cafetières et même beaucoup de cafés du temps des Gaulois, Jean-Louis Bruno. Mais non, mais il y a énormément de vestiges sur le plateau lui-même et les fouilles ont été commencées dès 1747 parce que la noblesse bourguignonne était très intéressée par l'histoire de cette région et ils ont demandé à un certain nombre de fonctionnaires d'engager des premières fouilles et qui, dès 1747, deviennent régulières. Et dans les années qui suivent, ils trouvent des trésors absolument importants de pièces romaines, mais en or, de choses comme ça. Et puis ils trouvent les caves. Donc tout le monde se met à creuser un petit peu dans son champ. Tout le monde se met à creuser, effectivement, oui. Et on trouve des trésors, alors ça pose des problèmes, parce que la pluie, les trésors glissent d'un terrain à un autre, les voisins pensent que c'est leur trésor, mais non, c'est le trésor du voisin. Mais pour les, de toute façon, pour ces gens-là, les habitants de l'Auxois, parce que le nom d'Alésia donne non seulement à l'île Sainte-Reine, mais le mot Auxois, ça vient aussi, c'est une déformation de Alésia. Et tous les gens de cette petite région-là sont habitués à ça, sont persuadés qu'effectivement, il y a des richesses là, et ils savent que de toute façon, il y a eu la période gallo-romaine où il y a eu une ville gallo-romaine à cet emplacement, puisque c'était le chef-lieu de cité, de la petite cité des Mandubiens, donc les habitants d'Alésia. Et ensuite, à l'époque mérovingienne, ça a été aussi une ville très, très habitée, où il y a eu aussi une sainte qui s'appelle Sainte-Reine, d'où le nom Alise Sainte-Reine. Donc on a ces premières fouilles à la fin du XVIIIe, mais qui s'accélèrent, hein, vous avez commencé à en parler déjà, Jean-Louis Bruno, qui s'accélère au XIXe siècle. Oui, c'est quand Napoléon III lance un peu la machine. Alors pourquoi Napoléon III? Qu'est-ce qui l'intéresse en particulier? Ce qui l'intéresse, c'est de faire l'histoire. Il veut faire l'histoire de César, qui serait en quelque sorte un troisième, enfin, un nouveau volume de la guerre des Gaules, en quelque sorte, mais avec des fouilles, avec toutes les cartes qui ont été faites, et elles ont été faites, effectivement. Et donc, César voulait en même temps faire une biographie de Jules César. Napoléon III voulait faire une biographie de Jules César. Et tout cela, évidemment, pour créer une espèce de roman national, parce que... Non, il rattachait plutôt sa personne à celle de César. Non, il pensait pas à... Il ne voulait pas montrer que les Français étaient des descendants des Gaulois. Hein. Ce qui, pour le coup, est la thèse défendue par un certain nombre de gens qui racontent Alésia et qui racontent Vercingétorix, Jean-Louis Bruno. C'est-à-dire de quelle manière? C'est-à-dire que Vercingétorix est considéré comme une espèce de premier chef français, ce qui est une façon de voir, évidemment, qui est connotée, non? Oui, mais c'est un petit peu, d'abord c'est un peu tardif, parce que ça serait le dernier des Français, en quelque sorte, puisque ces Gaulois, à l'époque de César, sont les derniers. Hein. Après, ce seront des quasi-Romains, ou des Gaulois romanisés, en quelque sorte. Donc on a du mal à s'accrocher quand même, malgré tout, sur Vercingétorix, et il faut vraiment attendre quasiment le XXe siècle pour que ces Gaulois, ce Vercingétorix, prennent sa place. Hein. Alors qu'est-ce qu'on trouve aussi dans ces fouilles sur l'avant et l'après? Parce qu'il y a la bataille d'Alésia, bien sûr, mais avant, il y avait déjà une... Le problème, c'est que ce magnifique plateau, et c'est un beau plateau, parce que c'est la dernière couche, c'est ce qu'on appelle la couche bajocienne de calcaire, qui est extrêmement dure, où on peut extraire des carrières, mais qui ne garde pas les fosses, les trous de poteaux, des choses comme ça, qui sont les principaux indices pour les constructions gauloises. Mmh. Donc ça, c'est très difficile à trouver. À l'époque de Napoléon III, on ne pouvait pas trouver ces choses-là. Maintenant, on peut, donc un certain nombre de mes collègues travaillent sur ces questions. Est-ce qu'il y a encore des fouilles? Ah oui, il y a des fouilles continuellement, bien sûr. Et surtout, il y a un site archéologique qui est très important maintenant sur ce plateau, mais qui montre surtout les vestiges de l'époque gallo-romaine. Mais on sait qu'il y a quand même un certain nombre de maisons, certainement aussi de temples gaulois. Est-ce qu'on en a appris aussi sur la manière dont les Gaulois travaillaient? C'était, on le sait, de très bons artisans qui fabriquaient des chars qui étaient vendus jusqu'à Rome, d'ailleurs. Est-ce qu'on a appris des choses à ce sujet? Oui, on a notamment montré que l'étamage, c'est une technique qui est apparue chez les Gaulois et notamment à Alésia. L'étamage, c'est de faire reposer de l'étain sur du bronze pour donner à l'objet l'aspect d'une pièce en argent. Et c'est très très difficile à faire et ils ont su le faire. Mais les Gaulois ont fait bien d'autres découvertes technologiques, énormément de découvertes. C'était aussi des mathématiciens. Oui, mais aussi des grands forgerons, des grands artistes. Il y avait d'ailleurs toute une économie gauloise qui était extrêmement prospère et importante et qui peut-être a fait en sorte qu'il y avait moins de guerres parce que, on le sait, l'économie, quand elle est très développée, a tendance à calmer un petit peu les conflits. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et bon, il ne faut quand même pas oublier, parce que ça, les gens l'oublient un peu, c'est que depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ, pratiquement toute la Gaule est mise en culture. Et donc, il y avait moins de forêts en Gaule au 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ qu'il n'y en a maintenant. Et surtout, alors, tout ce qui était fabriqué en termes de chars, toutes les chars, charrettes, voitures, etc., les outils, les armes étaient des objets d'importation, notamment à Rome. D'ailleurs, on retrouve dans des fouilles faites à Rome des noms de d'artisans, les noms, en fait, qui sont des artisans gaulois. Et puis les noms que les Romains ont pris pour désigner, par exemple, les vêtements ou certains types de chars, ce sont des noms gaulois qu'ils ont gardés. Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite sur ce lieu d'Alésia après la bataille d'Alésia? Est-ce que il y a une ville qui reste là un moment? C'est-à-dire qu'avant la guerre, il n'y avait pas vraiment de ville. C'était un lieu d'administration, un lieu politique et religieux, mais il n'y avait pas vraiment d'habitation. Donc, ce n'est qu'au moment où la Gaule s'est vraiment romanisée que les Bondubiens ont voulu installer là une sorte de petite cité, une petite ville en quelque sorte, qui a tenu jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ. Qui comportait un certain nombre aussi de lieux de culte. C'est-à-dire que les chefs de lieux de cité gallo-romaine sont sur le modèle de Rome. C'est-à-dire qu'on trouve une place, le forum, on trouve des temples, on trouve des artisans, des commerçants. Quelles ont été les relations finalement entre ce qui est devenu un mythe, le mythe d'Alésia, et puis les sciences historiques, selon vous, Jean-Louis Bruno? De quelle façon est-ce que le mythe a circulé avec l'histoire? Je ne vois pas trop bien ce que vous voulez que je vous dise. C'est-à-dire, de quelle manière est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, et en particulier peut-être à cause de l'époque romantique, c'est une histoire qui est moins un fait historique qu'une légende qu'on se raconte, et que c'est en tant que légende que finalement la bataille d'Alésia compte? Ah oui, là vous avez raison, oui, c'est deux histoires qui sont parallèles et qui fonctionnent chacune de leur côté, ça c'est certain. Oui. Donc la mémoire d'Alésia est convoquée, elle a été convoquée par beaucoup de personnes, y compris pour des raisons touristiques d'ailleurs. Chacun voulait avoir son Alésia. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui fonctionne en même temps que les fouilles de Napoléon III. C'est l'époque où, en Franche-Comté, un certain nombre de savants locaux trouvent qu'ils n'ont pas assez de monuments à présenter à leurs concitoyens. Et surtout, ils sont ébahis de voir que le tourisme commence à se développer en Bourgogne et en même temps qu'en Suisse. Et donc, comme ils sont coincés entre ces deux régions, ils veulent qu'il y ait quelque chose. Et puis, ce qu'ils trouvent le plus facile, c'est que Alésia soit chez eux, tout simplement. Et donc là, on a les trois premiers qui font ça. Ce sont trois savants, un architecte de Besançon qui s'appelle Delacroix, un linguiste qui s'appelle Quichera, qui est le frère d'un latiniste très, très connu, et puis un troisième dont j'ai plus la mémoire, enfin bon, peu importe, et qui se bataille comme des fous contre Napoléon III et contre le duc d'Aumale, parce que le duc d'Aumale avait aussi beaucoup travaillé sur cette question. Et puis, comme notamment Quichera risque de ne pas être nommé à l'Institut, mais il renonce, et puis finalement ça s'écroule, ça s'affaisse tout seul. Aujourd'hui, il y a un beau centre d'interprétation. Alors oui, le site est magnifique en lui-même. Il y a ce musée au parc qui est très bien fait et qui en plus est dans la plaine, donc il n'abîme pas en quelque sorte le site archéologique. Et puis maintenant, il y a aussi une possibilité de promenade tout autour du site, sans compter qu'on se trouve à 4 km de Flavigny, qui est une abbaye très importante, qui a récupéré en 866 la sainte de Sainte-Reine. Ils l'ont récupérée pour la mettre dans leur crypte à Flavigny. Dernière question, pourquoi les Gaulois avaient-ils des moustaches si abondantes? Est-ce que vous le savez, Jean-Louis Bruno? Ces moustaches abondantes, ce n'est pas celles de Vercingétorix, justement. Donc c'était une mode qui était pratiquée très certainement au 5e, 4e, 3e siècle et qui disparaît assez vite. Et C'est simplement une question de mode. Alors il n'y avait pas l'idée de montrer une forme de virilité par exemple. Si, certainement, mais la Gaule était un endroit où on pratiquait énormément les modes et j'aurais pu vous parler longtemps des pratiques vestimentaires, des inventions vestimentaires des Gaulois. Qui n'étaient pas celles de Rome, parce qu'évidemment le climat n'est pas le même. Voilà, c'est pas celle de Rome. Et on n'a que quelques sculptures qui ne sont pas sculptées par les Gaulois, mais par justement les gens près de Marseille. Donc à Entremont, c'est près d'Aix-en-Provence, où là on a des sculptures des Celto-Ligures, donc un groupe de Gaulois, où on voit très bien leurs vêtements représentés, et surtout leur pilosité, les cheveux des femmes et des hommes. Et là, c'est du très beau, hein, ça n'a rien à voir avec les moustaches. Bien connu des lecteurs d'Astérix. Merci beaucoup Jean-Louis Bruno de nous avoir permis de revivre cette bataille d'Alésia et d'en mieux comprendre à présent les enjeux. Cette émission, elle ne serait pas complète sans sa dernière séquence. Bonjour Romain de Bec de Lièvre. Bonjour Mathieu et bonjour à tous. C'est en effet le moment de cliquer sur votre pièce jointe. La cité antique de Rome, son histoire, ses lustres, ses lumières et ses ombres n'ont, chose étrange, finalement qu'assez peu inspiré les créateurs de cette forme devenue aujourd'hui hégémonique, voire impériale, les séries. Toutefois, parmi les tentatives remarquables, un attelage anglo-italien s'est lancé avec un imposant budget dans l'aventure. La série Rome voit ainsi le jour en 2005 sur la chaîne américaine HBO. Elle trace, en deux saisons, le récit des derniers jours de la République romaine. Les scénaristes décident de poser la première borne de leur récit télévisuel en moins 52 avant Jésus-Christ, soit pendant la bataille d'Alésia et la reddition de Vercingétorix. Formellement, l'épisode 1 de la saison 1 s'ouvre sur une scène d'affrontement gallo-romain qui dure quelques minutes. On voit une colonne romaine, toute hérissée de casques et de lances, aux prises avec une horde de Gaulois poilus, tous en moustaches et en bas de pyjamas rayés. Puis vient la grande scène historique, l'image d'Épinal, le chef gaulois déposant ses armes aux pieds de César, le général chef de guerre et vainqueur de toute la Gaule. Ce dernier, interprété par l'acteur anglo-saxon Ciaran Innes, apparaît en majesté, assis au milieu d'un camp et entouré de ses troupes au garde à vous. Il est couronné de lauriers dorés et vêtu de l'armure romaine. Vercingétorix est campé quant à lui par l'acteur italien Giovanni Calcagno et son traitement est plus problématique, extrait de Rome. Before you. Devant toi. Vercingétorix, son of Cato. Vercingétorix, fils de cette île, chef de la tribu des Arverns, commandant de la place forte d'Alésia, roi de tous les Gaulois. What would you have? Quel sort vas-tu lui réserver ? César baisse son regard majestueux vers Vercingétorix que l'on a déshabillé et décasqué. Un soldat présent au chef gaulois défait l'aigle doré, emblème de Rome, fixé au bout d'une lance, suspend. Vercingétorix se penche et embrasse la tête de l'aigle. Les épées sortent alors des fourreaux et tout le monde hurle à la gloire de César. La représentation du chef des Arvernes et de la Seine emprunte à une iconographie tout à fait classique. Vercingétorix porte un casque avec des ailes démesurées et des cheveux tressés. Mais à cette tradition se trouvent mêlés des traits à la mode des années 2000. Vercingétorix a ainsi les épaules recouvertes d'improbables tatouages. Il ressemble à un mixte de hippies, de Christ ébouriffé, de surfeurs et de vikings. Car si César et l'armée romaine sont représentés avec une minutie de détails, les créateurs de la série n'ont pas eu les mêmes égards pour la Gaule. Mais c'est avec la scène qui suit que la série développe une originalité. Elle montre la mise à mort du chef gaulois par étranglement devant un public en liesse et en plein épicentre du pouvoir à Rome, ce qui est historiquement absolument faux, puisque si Vercingétorix a été effectivement porté vaincu en triomphe dans la capitale de la République, sa mort reste entourée d'ombre et de mystère, mais la série Rome raconte l'histoire romaine et non l'épopée gauloise. Elle met surtout en place, avec cette scène, ses principaux centres d'intérêt à venir, le spectacle du supplice, la cruauté, les fastes et les couleurs de Rome. Merci beaucoup Romain de Bec de Lièvre. Cette chronique, elle est à retrouver évidemment sur franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. C'était sans oser le demander aujourd'hui, consacré à la bataille d'Alésia. Pour tout savoir à ce sujet, je recommande le livre « À la recherche d'Alésia, les légendes grecques au lieu de mémoire » par Jean-Louis Bruno. C'est dans la collection de Poche Écho.